بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 29 بعد 100 صفحة 9 لسون. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال 96 بعد 1096 question: ما هي السنة عند السعود في السفر؟ Quelle est la sunna lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on prend une chose, une montée, d'accord, une montée, une pente, comme dans les montagnes ou les alikas. La sunna, c'est de dire Allahu Akbar, faire le takbir. Wa fi sual al-sabi' wa 90 ba'd al-alf 1097e question. Wa ma hiya as-sunna 'inda an-nuzul fi safar? Également, c'est quoi la sunna lorsque l'on descend lors d'un voyage sur une pente, une descente, les alikas, alors qu'on est en voyage, c'est quoi la sunna? C'est de faire le tasbih, de dire subhanallah. Et le dalil, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah. Il disait lorsque nous étions, c'est-à-dire en voyage, lorsque nous montions, nous étions sur une montée, nous faisions le takbir, et lorsque nous étions dans une descente, nous faisions le tasbih. Ça va bien ça. قال في السؤال الثامن وتسعين بعد ألف 1098 question. في أي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أو يستحب السفر؟ Quel est le jour lors duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait voyager? D'accord? Le jour par lequel il préférait partir en voyage. Et c'était le jeudi. Yom al-Khamis. Le jeudi. Comme dans le hadith de Ka'b ibn Malik. Qala anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kharaja yom al-Khamis fi ghazwat Tabuk wa kana yuhibbu an yakhruja yom al-Khamis. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait partir le jeudi. Et le jour fin de la bataille de Tabuk, il est parti un jeudi et il aimait partir le jeudi en voyage. Rapporté par le Bukhari. Et également une sunna qui est souvent oubliée dans le même hadith lorsque l'on revient de Safar. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait quand l'imam de Safar bada bil masjid fa salla fi rakatayn thumma jalasa fi linnas. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revenait de voyage, il commençait par le masjid. En premier lieu, il allait faire deux rakats dans le masjid et puis s'asseyer pour recevoir les gens. Donc c'est une sunna qui est très négligée également, qui est fortement méconnue et peu appliquée. Et c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment plus facile. En faisant le voyage, on commence par aller d'abord au masjid du quartier là où on est, là où on vit, s'il est ouvert, pour ceux qui ont le masjid qui sont ouverts à toutes les heures, et de rentrer, de faire deux rakat en premier lieu. Et ça, c'est mustahab. Thumma qala fi sual amiyat bad elf 1100e question. C'est quoi ma wa du'a et rukub? Maintenant, c'est quoi le du'a que l'on dit lorsque on prend une monture? C'est-à-dire à notre époque, ce sera lorsqu'on va prendre la voiture, lorsqu'on va prendre le train, l'avion, le bateau, ou, tu vois, le moyen de transport pour le voyage. Et certains voient que ce du'a-là, c'est général, c'est pas que pour le voyage. C'est pour toute monture que l'on prend. Donc, on dit quoi? Comme dans la parole d'Allah, dans le faqal Allah ta'ala, « Wallazi khalaqa al-azwaja kullaha wa ja'alakum min al-fulk » إلى قوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dans le sens où elle est dit, lorsque vous montez sur elle, c'est-à-dire sur vos montures, puis vous rappelez du bienfait d'Allah Azzawajal lorsque vous êtes bien installé sur cette monture. Et vous dites, gloire à celui qui nous a fait dompter cela, alors que nous n'étions pas capables de le dominer. Et c'est vers notre Seigneur que nous reviendrons. Az-Zukhruf, verset 13, verset 12 à 14. Donc le Dora, c'est bien dire, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. C'est ça qu'il faut dire. ثم قال في السؤال 101 بعد 1000 1100e question. ما هي الشجرة التي ماؤها شفاء للعين؟ Maintenant c'est quoi cet arbre dont la sève est une guérison en remède contre le haïn, contre le mauvais œil. Il s'agit de Al-Kam'atu. والمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد ابن زيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. Donc il a dit Al-Kam'atu, en fait Al-Kam'atu c'est la truffe. C'est de la truffe. Min al-man, et je pense que la man là c'est ce qu'il a fait descendre Allah Azza wa Jal comme nourriture sur Bani Israël avec la caille. Allahu a'lam. Où j'ai trouvé dans le dictionnaire que c'est meya, c'est une forme de liquide que l'on trouve sur les arbres. Allahu a'lam. Donc je ne peux pas vraiment vous dire. Qala wa ma'uha shifa'un lil'ayn, que l'eau de cet arbre, de cette truffe, est une est un remède contre le mauvais œil. Mutawakkun alayh. ثم قال يقول طيب ما هو في السؤال عشرة ومئة بعد ألف 1110e question. Man huwa al-hanif? Qu'est-ce que le hanif? Al-hanif min al-hanifiyya, qui est millat Ibrahim, qui est la religion d'Ibrahim. Donc on appelle ça, c'est le mukbil ala Allah, al-mu'rid an al-mu'asiwah. C'est celui qui se consacre totalement à Allah et qui se détourne de toute autre chose. Toute autre chose. Hada huwa al-hanif. Ça c'est une définition faite par Ibn al-Qayyim rahimahu ta'ala. قال من هم أشد الناس خشية لله؟ qui sont les gens qui ont la plus grande crainte d'Allah. في السؤال هذا أحد عشر ومئة بعد ألف. 1111e question. Il s'agit des علماء et ذروتهم الأنبياء. Leur summum, le summum des علماء, le plus haut des علماء niveau sont les أنبياء, les prophètes. كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. Que seul parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui le craignent sont les savants. Même seuls les savants craignent Allah. Et là, il s'agit de la crainte parfaite, bien évidemment. Parce que d'autres gens, autres que les savants, ont de la khashiyah. Mais la leur est la plus parfaite. Et dans un hadith de Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Wallah inni la arjou an nakuna arshakum lillah. Qu'il ait dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, j'espère être celui qui craint le plus Allah d'entre vous. طيب سنكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين.